بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nuit du dimanche 29 août 2021, correspondant au 21 du mois sacré d'Allah al-Muharram de l'année 1443 de l'Hégire. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de traduire ces conseils et recommandations précieuses qui ont été données par l'éminent savant Ubayd Ibn Abdillah al-Jabiri, qu'Allah le préserve et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Donc ces recommandations qui ont été données à l'occasion du séminaire d'été organisé par nos frères de l'Maktaba al-Salafiyya de Birmingham, dans le cadre d'un séminaire qui s'est intitulé le séminaire de l'imam Malik, Imam Malik ibn Anas. Comme vous savez, mes frères, avant de commencer la traduction, profitez des savants de la Sunna et de leurs conseils et recommandations, et surtout les plus grands parmi eux, les plus grands dans la science, les plus grands dans l'âge et les plus grands dans les expériences. Ceci est une ni'ma immense et un signe qu'Allah a voulu du bien pour le serviteur. Se rapprocher de ses savants et écouter leurs conseils et prendre en compte leurs recommandations et leurs orientations, ceci est une ni'ma immense pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela. Des savants de la sunna de manière générale et des plus grands parmi eux en particulier. Et il ne rate ses occasions de profiter d'eux, tout en étant capable que celui qui est dépourvu du bien, que celui qui est privé du bien, qu'Allah nous en préserve. Alors que dire de celui qui les dénigre au lieu de profiter d'eux? Il les dénigre et qui tient des propos rabaissants et discréditant à leur égard, notamment en s'affiliant à des gens qui font cela ouvertement et publiquement, comme bien même lui il peut prétendre qu'il peut prétendre avoir toujours de l'estime et de la considération pour ses savants. Et tout cela sous la bannière de suivre les arguments et les preuves, suivre Dalil et ne pas suivre les hommes, du poison dissimulé dans du miel. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par Allah que je suis personnellement très triste de voir certains de mes frères qui propageait les efforts des savants salafis dans le public francophone, dont beaucoup de nos frères salafis dans ces pays ne connaissent pas et ignorent le statut, le degré de ces savants, notamment Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah les préserve, et tout ce qu'ils subissent dans la défense de la sunna, beaucoup ignorent leurs efforts et ignorent leur degré. Et c'est malheureux de voir des frères qui propageaient les efforts de ces savants-là en traduisant leurs cours et en orientant les gens vers leurs cours, de les voir aujourd'hui se mettre du côté des gens qui dénigrent les savants et qui les accusent de choses graves, sans preuve. Wallah al-musta'an. Mais on perd pas d'espoir et on reste optimiste. Et cela en faisant dua, en invoquant Allah, qu'il leur montre la vérité et qu'il leur permette et leur facilite de revenir vers cette vérité une fois qu'elle devient claire pour eux. Car connaître la vérité, c'est une chose, et la suivre, ça en est une autre. Et dans les deux, tu as besoin de l'aide et de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le restant optimiste qui revienne vers la vérité. Et c'est Allah qui guide qui il veut. Avec sa miséricorde, il égare qui il veut avec sa justice et son équité. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on commence par ces conseils qui ont été concis, mais très profitables, du noble savant Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri. Il les a donnés hier, le samedi 28 août 2021, dans le cadre de ce séminaire de l'imam Malik. Et Cheikh, qu'Allah le préserve et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ainsi que tous les savants de la sunna, il a souhaité rappeler quelques positions de l'imam Malik, comme ceci est le nom de ce séminaire. Il en a rappelé deux positions, deux très bonnes positions de l'imam Malik, dont la première, que quand il terminait son cours, à chaque fois qu'il terminait un cours, il disait كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. Il disait tout, dans toute parole, il y a des choses qui sont acceptées et des choses qui sont rejetées, excepté les paroles de celui qui est dans sa tombe, dans cette tombe. Et il indiquait la tombe du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Toute parole, dans toute parole, il y a des choses qui sont acceptées et des choses qui sont rejetées, excepté les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première chose qu'il a citée, qu'Allah le préserve. La deuxième, c'est que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé par un homme. Il lui a dit, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône, ou s'est établi au-dessus du trône. Comment il s'est établi? Comment il s'est établi? L'imam Malik s'est tu pendant un laps de temps. Pendant une heure, c'est-à-dire un laps de temps. Jusqu'à ce qu'il a fortement transpiré. Hatta alahu ar-ruhada, rahimahullah. Jusqu'à ce qu'il a fortement sué. Et il a dit, al-istiwa'u ma'loum, l'établissement, c'est-à-dire l'établissement d'Allah au-dessus de son trône est connu. Wal-kayfu majhoul, et le comment, c'est-à-dire le comment de cet établissement est ignoré. والإيمان به واجب. Et la foi en cela est obligatoire. والسؤال عنه بدعة. Et interroger au sujet du comment est une innovation, hérésie dans la religion. وما أراك إلا ضالا. Et je vois que tu es un égaré. Sortez-le. Il l'a chassé de son cours. Il a ordonné à ce qu'on le fasse sortir. Ça, c'est la deuxième chose que Cheikh Rahimahullah, Hafidahullah, a rapporté de l'imam Malik. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ensuite, il a dit, nous, ainsi que vous, qu'Allah vous bénisse, on aime lier les gens à leurs savants. À commencer par les compagnons, qu'Allah les agrée tous, ainsi que ceux qui sont venus après eux. On aime lier les gens à leurs savants. Et les savants, c'est à commencer par les compagnons, radiallahu anhum, ainsi que ceux qui sont venus après eux, et qui sont sur la même voie que eux. Et ensuite, il a appelé les muslimines et les muslimates, hommes et femmes, dans cette maktaba salafia à Birmingham, il les a appelés à méditer. Ce qui a été rapporté de l'imam Malik. La première parole dans laquelle l'imam Malik rahimahullah dit « كل كلام فيه مقبول ومردود » Dans chaque parole, dans toute parole et dans tous les propos, t'en trouveras ce qui doit être accepté et ce qui doit être rejeté. Entre parenthèses, ce qui est accepté, c'est ce qui est conforme au texte, ce qui est conforme au livre d'Allah et la sunna de son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, authentique, avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Et tu trouveras des choses qui doivent être rejetées. C'est ce qui n'est pas conforme au livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Dans les paroles de chaque personne, il y a des choses qui sont acceptées, des choses qui sont rejetées. Excepté les paroles et les propos de celui qui est enterré dans cette tombe. Il a indiqué la tombe du prophète, alayhi salatu wa sallam. Cheikh Ubaid, hafidhahullah, ici, a interrogé les frères dans le Maktab al-Salafiyya. L'imam Malik, il visait qui par celui qui est dans cette tombe? Ils ont répondu, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Naam, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Cheikh, hafidhahullah, poursuivit en disant, oui, car c'est lui, car il a transmis ce que Allah lui a ordonné de transmettre à sa communauté. Il a transmis ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre à sa communauté. Il n'a pas laissé un seul bien sans l'indiquer à sa communauté. Et le bien le plus important, le plus grand qu'il a indiqué à sa communauté, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah, et que l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne mérite cette adoration, qu'il soit un ange proche d'Allah ou un prophète envoyé, personne ne mérite cette adoration. C'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a interdit ash-shirku billah, il leur a interdit l'associationnisme et le polythéisme. Également, il leur a ordonné, parmi les législations de la religion, il leur a ordonné as-salat. Il est monté sur le minbar, il a prié, et ensuite il leur a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc toute salat qui n'est pas conforme à la salat du prophète, alayhi salatu wa salam, Cheikh Hafdahullah dit qu'elle est caduque, et qu'elle est nulle, et qu'elle est invalide. Entre parenthèses, ceci doit être compris quand on fait une chose qui annule la salat, ou on délaisse une chose dont le délaissement annule la salat, tel que le délaissement d'un pilier, ou le délaissement d'une obligation volontairement, ou on fait une chose dans la salat qui n'est pas autorisée, on l'a fait volontairement tout en connaissant le jugement et en se rappelant au moment où on le fait que c'est interdit, tel que manger et boire et parler dans la salat avec autre que les paroles et les formules légiférées dans la salat. Je ferme cette parenthèse. Donc, ces choses-là, effectivement, ces non-conformités, effectivement, rendent la salat caduque et nulle. Et Cheikh a rappelé une mas'ala fiqhiyya concernant le regroupement des salawat. Le regroupement des salawat. Et que ceux qui regroupent les salawat pour consommer une drogue qui s'appelle al-qat, cette opération de consommation de drogue s'appelle tahzin. Cheikh Hafdallah dit que leur prière, que leur salat est caduque, est invalide. Ils regroupent dhuhr avec l'asr, en début de temps de dhuhr, afin de s'asseoir et de consommer tranquillement cette drogue qui est une herbe. Donc cette salat n'est pas valide. Car le regroupement de la salat, il légiférait, par exemple, dans le voyage, ou quand il y a un fort vent, ou une forte pluie, également pour le malade, qui ne peut pas prier chaque salat dans son temps, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette permission, cette rukhsa, de regrouper les deux salawat, al-dhuhr avec l'asr, et l'Isha avec le Maghrib. S'il est dans l'incapacité de prier chaque salat dans son temps, il lui est autorisé de regrouper les salawat qui se regroupent bien évidemment. Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha. De les regrouper en début de temps de Dhuhr ou dans le temps de l'Asr. Comme il peut regrouper le Maghrib et l'Isha dans le temps de le Maghrib ou dans le temps de l'Isha. Ce qui lui facilite plus les choses, il le fait. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette permission. Et Cheikh également a mentionné une autre question de l'fiqh qui concerne la prière de la femme, qui concerne afwan salat, la salat de la femme dans sa maison, et que sa salat dans sa maison est meilleure pour elle. Mais si elle souhaite assister à la prière de à la salat de l'Jumu'ah ou à la salat en groupe, on ne doit pas lui interdire cela, sauf si on craint pour elle un mal. Si on craint pour elle un mal tel que les pervers et les déviants qui lui fassent du mal, car ils sont sans pitié, comme a précisé Cheikh. Et Cheikh a terminé ce rappel en désignant deux de ses élèves. Le premier, c'est notre noble Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et le deuxième, c'est Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi. Il les a recommandés après lui, yani à ce qu'on profite d'eux et à ce qu'on profite de leur science et qu'on revient vers eux. Et cherche également à préciser un souhait, c'est que les frères, dans cette Maktaba Salafia, organisent d'autres séminaires à l'avenir, et il leur a suggéré des noms de ces séminaires. La première suggestion, le séminaire de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et la deuxième suggestion, le séminaire de Ibn Taymiyyah. Et la troisième, le séminaire de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée. Et il aura promis tout à la fin de cette allocution de noter, de prendre note du numéro de téléphone de l'Maktaba Salafia afin de leur faciliter le contact avec lui. Voilà ce qui a été cité dans ses conseils et ses recommandations de notre noble cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, qu'Allah le préserve et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته